France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. C'est certainement l'une des comédies musicales les plus sophistiquées. On la doit à George Cukor, réalisateur élégant à Hollywood, touche-à-tout, qui savait mettre en valeur les femmes, à commencer par Katharine Hepburn dans Indiscrétion, Audrey Hepburn dans My Fair Lady ou Judy Garland dans Une étoile est née. En 1957, il propose un genre assez classique à Hollywood, le film qui se déroule dans un tribunal, le film Procès, mais aussi sous la forme d'une comédie musicale qui se déroule à Paris dans les années 50, à l'époque où le héros, Barry Nichols, était à la tête d'une troupe de jeunes filles intitulée Les Girls. Les Girls, ce fut aussi le dernier film de Gene Kelly à la Metro-Goldwyn-Mayer et la dernière partition de Cole Porter pour un film. Les Girls, c'est ce matin sur la grande affiche de la 42e rue sur France Musique avec tout ce qu'il faut de glamour, d'élégance, mais aussi d'ironie, car on est bien chez George Cukor. I've been a dancer from New Jersey to Japan. And if not a perfect prancer, I'm at least a tip-top traveling man. Yes, I've played ad infinitum, every mountain, every coast. For each country has the item that I enjoy the most. Les girls, les girls, there's no doubt about it, I just love les girls, les girls, les girls, no wonder I shouted, I worship les girls, what charms they disclose from their hats to their hose, from the tips of their toes up to their curls. I simply adore, and every day more. Les girls, les girls, les girls. Girls, girls, girls, girls, girls. Les girls, les girls. Ah, comme je les aime. How he loves les girls. Les girls. Girls, je l'ai trouvé suprême. He Le morceau titre de The Girls, le film de George Cukor, repris dans ses orchestrations d'origine de la Metro-Goldwyn-Mayer par le John Wilson Orchestra. C'est Andrew Cotty qui a reconstruit ses orchestrations. Et bien, vous avez reconnu peut-être les voix de Matthew Ford, entouré de Kathy Birtil, Mary Carew, Yona Dunsford, Emma Louise Kershaw. C'était un enregistrement de 2014. Vous pouvez retrouver sur la page de 42e rue sur francemusique.fr l'enregistrement original, la chorégraphie avec un Gene Kelly qui a un canotier posé sur la tête de travers, un peu à la Maurice Chevalier, entouré de trois jeunes héroïnes aux gants blancs dont le visage est orné, comme dans les bons films de George Cukor, par de très grands chapeaux et qui dansent en imperméable beige, des imperméables qui révèlent derrière, ou plutôt dessous, des bustiers noirs. Une magnifique chorégraphie qui joue avec les lumières et les contrastes. Voilà, George Cukor savait tire ses héroïnes et donner du style à ses films. Le film Les Girls apparaît en 1957, on est vraiment vers la fin de l'âge d'or de la comédie musicale à Hollywood. Il est produit par Sol Siegel, à qui on devait déjà Les Hommes préfèrent les blondes, mais il n'était pas non plus à son coup d'essai, il venait de produire un autre film avec les chansons de Cole Porter, High Society, avec le même scénariste, John Patrick. Rappelez-vous, Bing Crosby, Louis Armstrong. What goes on here? There's a dark horse in this air race, and my boy's running a slow third. What we need is a little change of pace, Music Junior. I love you, Samantha, and my love will never die. Remember, Samantha, I'm a one girl guy. Together, Samantha, we could ride a star and ride it high. Remember, Samantha, I'm a one girl. And if some distant day you decided to say, get along, go away, goodbye, remember, Samantha, I'm a one gal guy. You're the top, you're the Colosseum, You're the top. Uh-huh. You're the Louvre Museum. You're a melody from a symphony by Strauss. Uh-huh. You're a Mandelbaum, the Shakespeare sonnet. You're Mickey Mouse. Well, sign in Minnie. You're the Nile. Real snaky, huh? You're the Tower of Pisa. I'm very large in Naples. You're the smile on the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck, a flop. Not so, but if baby, I'm the bottom, you're the top. At words poetic, I'm so pathetic that I always have found it best, instead of getting them off my chest, to let them rest. But why? Well, I'm so shy. I hate parading my serenading, as I'll probably skip a bar. We'll go back and get it later. But if this ditty is not so pretty, at least it'll tell you how great you are. Carry on. You're the top. You're from Hogan's Alley. You're the Eiffel Tower. You're a grand finale. You're the tops. You're an April shower. You're the leading men in the season's a turn of first place. You're sweet to say so. There's no one finer, really. You're dressed in China and, well, you're bouillabaisse. Now, see, beaucoup. Ah, oui. You're as right. Little old me, huh? As the Magna Carta. Gee, you're a knight. Cum laude, huh? Of the good Queen's Garden. Oh, I'm thrilled. I'm a case of gout. Aww. A bee without a bop. No doink. I'm a turkey you just can't fix up. I'm an option that no one picks up. But if, baby, I'm the bottom, you're the top. You're a mezzo-soprano. You're a marciano. Baby, if I'm the bottom, you're the top. Beaucoup de Cole Porter ce matin sur la 42e rue de France Musique. À l'instant, la comédienne Mitzi Gaynor. En 1956, dans le film Anything Goes, déjà basé sur la musique de Cole Porter, qui jouait aux côtés de Bing Crosby, Zizi Jeanmaire, c'était You're the Top. Elle incarnera en 1957, un an plus tard, l'une des trois girls dans ce nouveau film de George Cukor. À l'époque, le producteur Saul Siegel voulait un casting de stars. Pour les trois jeunes filles, il souhaitait trois nationalités différentes. Il porte son dévolu sur l'actrice comique britannique Kay Kendall. Par contre, Leslie Caron et Sitch Harris, à qui il pense, déclinent. Sitch Harris préfère tourner La Belle de Moscou auprès de Fred Astaire. On prendra donc à la place Mitzi Gaynor. Et c'est la Finlandaise Tainan Helg qui incarnera l'européenne, autre européenne. Les Girls, c'est pas vraiment une comédie musicale à proprement parler, parce que le film peut se voir en fait comme un thriller, dont les numéros musicaux, très peu au demeurant, il n'y en a que 5, expliquent certaines actions. C'est aussi un film à la Pirandello, où le spectateur écoute le récit à la barre de trois personnes qui racontent chacune leur version différente de l'histoire de la troupe de Barry Nichols. C'est donc au spectateur, à vous, derrière l'écran, de se faire votre propre vérité, alors que George Cukor ponctue le film par l'apparition d'un homme sandwich dans les rues de Londres qui marche en portant un panneau où est inscrit « Qu'est-ce que la vérité ?». Première héroïne à la barre, Sibyl, l'anglaise. Elle vient de publier ses mémoires et Angèle, une des girls, lui intente un procès car dans ce livre, elle explique eh bien, qu'elle était amoureuse de Barry Nichols, le directeur de la troupe. Sibyl raconte notamment comment ces deux-là se retrouvaient en secret après le spectacle et se comptaient fleurettes sur une barque, allongées, côte à côte, tout en chantant « Ça, c'est l'amour », une chanson de Cole Porter devenue un standard. Allongée, elle oublie que son petit ami français lui a offert une montre qui sonne toutes les heures pour lui rappeler son amour. What's that? My heart, when you touch me, plays a little tune. Oh. I don't think you know what it means to be really in love, shall I tell you? If you like, sure. To me, Barry, real love is right. Why, I can't talk when you kiss me. No, I can't kiss you when you talk. Real love is when suddenly you sight someone for whom you yearn. So, c'est l'amour. Seen you in a while. Ça va? Good. De la campagne? Not at all. Angèle, your uncle is waiting upstairs for you. Hi, Uncle. Uncle Pierre from La Porte. Trouvez tant de beaux yeux, son ciel de tous les jours. Ça, c'est l'amour. Le voir qu'à travers eux, les gens qui vous entourent, ça, c'est l'amour. Dans un bras qui vous tient, sentir qu'on n'est plus rien qu'une esclave d'amour. Trembler quand il s'en va, mais quand on le revoit, dans un torrent de joie, noyer sa peine pour toujours. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Mourir de jalousie quand d'autres lui sourient. Ça, c'est l'amour. Brûler à petit feu, mais faire tout ce qu'il veut, ça, c'est l'amour. Les nuits après les nuits, donner toute sa vie comme un joli bouquet d'amour. Avoir dès son réveil le cœur plein de soleil, et chaque jour pareil, l'aimer bien plus de jour en jour. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. C'est notre amour. Notre amour. des paroles signées, des paroles françaises, adaptation française signée Jacques Larue. C'était une autre version de Ça c'est l'amour de Cole Porter qu'il avait composé pour le film Les Girls. C'était Yvette Giraud. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Pour raconter cette histoire, les girls en musique, le producteur Sol Siegel fait donc de nouveau appel à Cole Porter après avoir demandé au compositeur d'écrire les chansons de High Society. Cole Porter n'est pas au meilleur de sa forme, il se fait d'ailleurs, paraît-il, aider pas mal par le directeur musical Saul Chaplin. En tout cas, lorsqu'il se voit proposer d'écrire les chansons de ce film, il remet à la production 12 chansons. Mais George Cukor est exigeant, il veut pas, il ne se considère pas comme un réalisateur de comédie musicale comme Vincente Minnelli, il faut vraiment que les chansons soient justifiées. 5 seront donc conservées, mais on a retrouvé des enregistrements de 2 chansons. Au plus exactement, Wilfried von der Brande a enregistré 2 chansons qui avaient été écartées. Je vous propose par exemple d'écouter celle-ci, High Flying Wind on My Shoes. With your looks so attractive and your charms are radioactive, you're my dream supreme in every way. So I long to possess you, to be close to you and caress you 24 hours per day. Whenever, darling, by chance together we dance, although I've been battling the blues, you give me stars in my eyes, love in my heart, and high flying wings on my shoes. I so adore you, my dear, that when you appear, no matter what moment you choose, you give me stars in for me, I guarantee our life could be forever good news, including stars in our eyes, love in our hearts, and high flying wings on my shoes. So if you care for me, I guarantee our life could be forever good news, including stars in our eyes, love in our hearts, and high-flying wings on our shoes. High-flying wings on my shoes, c'était Wilfried von den Brande avec l'orchestre philharmonique de Nuremberg, l'orchestre symphonique de Nuremberg, pardon. Alors les Girls de George Cukor, eh bien c'est aussi Kay Kendall, une actrice britannique pétulante qui avait été choisie par le réalisateur qui aimait les femmes de caractère. Elle incarne un personnage, Sybille, qui était donc à la barre pour faire sa déposition. Et maintenant la voici parmi les prévenus, dans une situation plus délicate, lorsqu'elle saute au tour de son ancienne collègue Angèle de raconter l'histoire de cette troupe. Les Girls, c'est donc le récit croisé, consécutif, de 3 membres de cette troupe. Une histoire où le spectateur doit lui-même se faire son opinion. Et lorsque Angèle parle de Sybille, le récit est moins angélique. Et Sybille semble en fait plutôt portée par l'alcool, au point de chanter la habanera de Carmen de Bizet, un petit peu imbibée. I am the naughty cigarette girl, and all the men, they want my cigarette. L'amour, l'amour, bed ready. Fill the bath with gin. C'est la seule fois dans le film qu'on entend la vraie voix de Kay Kendall, parce que comme souvent, elle était doublée dans les belles chansons, elle était doublée par la voix de Betty Wand. Un des numéros les plus toniques de Les Girls, c'est ce moment romanesque et rythmé entre le patron de la troupe, Gene Kelly, et Sibyl. Voilà, un moment d'amour et un moment où ils font les bagages pour s'élancer sur les routes d'Europe pour jouer le spectacle. Ils s'assoient sur les valises pour les fermer tout en chantant « You're just too, too ». Oh, we'll be late. We'll be late. What's the train schedule? The train schedule? Well, I scarcely remember. Scarcely? Certainly. Oh, you're just too shilly. And you're just too, too, too. You're just too charming. You're just too great. You're just too perfect. You're just too first rate. To win you, dear heart, is all I wish. Well, thank you, Casanova, 'cause you're just my dish. You're just too luscious, too very, very sweet. Ooh, you're just too sexy when you turn on that heat. So it's no wonder I love you as I do. For I've gotta say in every way you're just too, too. You're just too brilliant. Oh, you're just too bright. You're just too faultless. Well, you're just too top flight. Of all fair damsels, tis thee I toast. Well, thank you, Barry Nichols, 'cause you're just the most. You're just too darling, too very, very, very, very nice. You're just too dreamy, you're super paradise. So it's no wonder I love you as I do. For I've gotta say in every way you're just too, too. Oh, look at me, I'm dancing. Hot dog! Hold on, old girl, we miss our train. If we miss the train, we'll go by plane. Ah, be like a angel. How's that? Everybody's picking on me. Go! It's no wonder I love you as I do. For I've got to say in every way you're just. Les girls, ah come le amo. He loves les girls. Les girls, ich liebe die Mädchen. Oh, he loves les girls. Adoro por si. But most of all, me. Les girls. Tighten his corset when still it shows. When he wants candy, Wandy. When he wants candy, Wandy. Hey, what do you give him? Hey, punch in the nose. We're ladies in waiting, in waiting to the king. As ladies in waiting, we're on the spot because we've got to give the king everything. I fill him with brandy when the weather's raw. I sober him up when it starts to thaw. And when he wants tiddly-widdly, when he wants tiddly-widdly. Hooray, what do you give him? Hey, suck in the jaws! Un autre grand numéro dans Les Girls, le film de George Cukor, lorsque les trois girls sur scène, poudrées, en tenue Louis XVI, sont dans un grand numéro comique qui illustre que chacune en fait attend que le patron de la troupe, Barry Nichols, daigne poser sur l'une d'elles son dévolu. C'est tout l'art de Cukor pour qui la comédie musicale était surtout un art de la narration. Ladies in Waiting. Les Girls, le film, est en fait inspiré d'une histoire écrite par Vera Caspary, une dramaturge classée communiste qui, à l'époque, suggérait en fait de prendre Yves Montand pour incarner le directeur de la troupe. Mais en 1956, c'était bien impossible qu'un artiste communiste notable soit autorisé à toucher le sol américain. Alors, on fait appel à celui qui a 45 ans, Gene Kelly. Ça sera son dernier rôle à la Metro-Goldwyn-Mayer. Et il faut dire que le beau temps de Chantons sous la pluie et d'Un Américain à Paris s'est éclipsé en même pas 5 années. Les succès ne sont plus aussi nombreux pour lui. Et même, il hésite à entrer dans ce rôle car un film sur des femmes le rend nerveux. Enfin, Gene Kelly, pour une fois, ne signera pas les chorégraphies de ce film. On chargera Jack Cole de le faire. En tout cas, Gene Kelly, c'est lui qui, le dernier, dans le rôle de Barry Nichols, apparaît à la barre. Sa version des faits est encore différente de celle des autres personnages. Lui n'avait Dieu que pour l'américaine, incarnée par Mitzi Gaynor. Et leur revient, à la fin du film, un numéro de ballet comme seul la Metro-Goldwyn-Mayer savait en produire à l'époque, dans un décor carton-pâte, rouge, noir, blanc, de bar en fait, une jeune fille qui s'ennuie sur un tabouret lorsque Gene Kelly, en perfecto cuir brillant, entre, accompagné de sa bande de dur à cuir, dans un pastiche drôle de L'Équipée Sauvage avec Marlon Brando. Un numéro très jazzy et une chanson intitulée tout simplement « Pourquoi suis-je si fou de cette fille ?» Flipping for a chick that I just can't forget. It turns out she's a blonde, I like 'em jet brunette. Oh, why am I so gone about that gal? Her figure is a poem when she starts to dance. I'm listening. But not for any cat who's seeking plain romance. Oh, why? I don't know why. Am I so gone about that gal? I take her out to dinner once, you know, real nice. Hey, I even put on a suit. A whole suit? A whole suit. But when I try to kiss her, then what do I get? What do you get? An eye that's a beaut. Get out of here. Yet every time she's near me, I begin to ache. What difference if she belts me when I'm on the make? Wow! Cuckoo, man. I am so gone about that gal. Et sur la page de 42e rue, sur francemusique.fr, vous retrouverez quelques vidéos de ce film, Les Girls, et notamment ce ballet qui rappelle celui de Un Américain à Paris. L'échec relatif de Les Girls en 1957 marquera la fin des comédies musicales créées spécialement pour Hollywood. Dans les années 60, on adaptera plutôt des spectacles de Broadway. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. On prend le temps ce matin aussi de revenir sur la disparition il y a 10 jours, le 28 février, du compositeur Harvey Schmitt, surtout connu pour avoir adapté en comédie musicale une pièce d'Edmond Rostand, romantique à souhait, qui n'avait pas seulement écrit que Cyrano de Bergerac, c'était Les Romanesques. Une comédie en 3 actes, autour de 2 hommes qui semblent se détester, ont construit un mur entre leurs 2 maisons, tout cela pour inciter leurs enfants à tomber amoureux. Harvey Schmitt, en 1960, adapte cette pièce, en comédie musicale, dans un tout petit théâtre de Greenwich Village. Et le spectacle restera à l'affiche, c'est un record, non-stop, durant 42 ans. Et on voit, au début de The Fantastics, c'est le titre de ce spectacle, deux maisons séparées par un mur, un narrateur qui entre en scène, un mystérieux bandit qui chante le souvenir d'un mois de septembre lorsque l'amour était prêt à éclore. Et ils se mettent à raconter le sujet de la pièce. En 1960, c'est Jerry Orbach qui avait créé cette chanson sur scène, Try to Remember. Try to remember the kind of September when life was slow and oh so mellow. Try to remember the kind of September when grass was green and grain was yellow. Try to remember the kind of September when you were a tender and callow fellow. Try to remember, and if you remember, then follow. Life was so tender that no one wept except the willow. Try to remember when life was so tender that dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender that love was an ember about to billow. Try remember, and if you remember, then follow. Remember the fire of September that made us mellow. Deep in December, our hearts should remember and follow. Harvey Schmitt est né au Texas, à Dallas. Il était fils d'un pasteur méthodiste. Et il était parti s'installer à New York par intérêt dans le théâtre. On lui doit une dizaine de comédies musicales, souvent audacieuses, dont l'une avait été présentée en France il y a à peu près 15 ans. S'intitulait « I Do, I Do ». Très belle comédie musicale, l'histoire d'un couple à travers les âges. Un homme, une femme, de part et d'autre d'une scène, qui se grime en personnage de plus en plus vieux devant leur table et au fur et à mesure que la pièce avance. Un spectacle qui avait été créé à Broadway en 66, mise en scène et chorégraphié par Gower Champion, à qui on devra plus tard 42nd Street, avec à l'époque Mary Martin et Robert Preston, seuls, eux deux, sur scène. Voici un extrait de ce spectacle, un duo intitulé « I Love My Wife ». I love my wife, what should I do? I've been to see a specialist, but when he was through, he told me it's hopeless, I'm stricken for life. My son, he said, get back to bed, you happen to love your wife. Other men love famous stars, but not I. The sort you worship from afar. And I try. Other men love femme fatales, sveltely dressed. But when I'm with those femme fatales, I get depressed. 'Cause I love my wife. How will it end? I love her as a lover and not just as a friend. It may be abnormal, with drama it's rife, but nevertheless I confess I love my wife. It may be abnormal, with drama it's rife, but nevertheless I confess, nevertheless I confess I love my wife. I love my wife. I love my wife. I adore my wife. Nous sommes en pleine année du centenaire de Leonard Bernstein. France Musique vous proposera de nombreux événements à cette occasion. On sait que Steven Spielberg prévoit de tourner à nouveau West Side Story. Eh bien, nous sommes partenaires de la réédition chez Deutsche Grammophon de l'enregistrement de West Side Story par Leonard Bernstein avec Kirite Kanawa, José Carreras, Marilyn Horn. Un CD, un DVD, un livret complet sur l'histoire de la comédie musicale, des bonus vidéo. Eh bien, j'ai quelques exemplaires de ce très bel album à vous offrir. Pour cela, eh bien, il suffit de nous écrire en allant sur la page de 42e sur francemusique.fr et en cliquant sur l'onglet Contact. Voici un extrait de cet enregistrement. Kurt Holman et Riff, Tatiana Troyanos et Anita, Kirite Kanawa Maria, José Carreras Tony, Tonight. Their way tonight. The Puerto Ricans grumble, fair fight, but if they start a rumble, we'll rumble them right. We're gonna hand them a surprise tonight. We're gonna cut them down to size tonight. We said volcano rumpus, no tricks, but just in case they jump us, we're ready to mix tonight. We're gonna rock it tonight. We're gonna jazz it up and have us a ball. We're gonna get it tonight. The more they turn it on, the harder they fall. Well, they began it, and they began it, and we're the ones to stop them once and for all. Tonight. Anita's gonna get a kick tonight. We'll have a private little mix tonight. He'll walk in hot and tired, so what? Don't matter if he's tired, as long as he's hot tonight. Tonight, walk me tonight. Et vous avez jusqu'à mercredi minuit pour tenter votre chance et recevoir ce coffret West Side Story paru chez Deutsche Grammophon en partenariat avec France Musique. Les gagnants seront choisis par tirage au sort. Dans l'actualité de la comédie musicale, on vous conseille jeudi prochain le nouveau concert proposé par Lauren Van Kampen et Mathieu Serradel. Depuis 2 ans, ils mettent à l'honneur des compositeurs de Broadway en compagnie de 4 chanteurs. Et jeudi, c'est au tour d'Irving Berlin, l'un des pionniers de Broadway, de ce qu'on appelle la Tin Pan Alley. Il a composé des comédies musicales comme Annie Get Your Gun, des chansons célèbres comme White Christmas, des chansons pour les films de Fred Astaire. Et bien jeudi, sa petite fille, Caroline Emmett, viendra présenter la soirée qui racontera en musique la carrière de cet auteur-compositeur. C'est donc jeudi à l'Auguste Théâtre. Je vous propose d'écouter la voix d'Irving Berlin au piano dans l'une de ses chansons. It's a lovely day today. So whatever you've got to do, you've got a lovely day to do it in, that's true. And I hope whatever you've got to do is something that can be done by 2, for I'd really like to stay. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by 1, then there's nothing more to say. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by 1, then there's nothing more to say. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Irving Berlin qui chante lui-même sa propre chanson « It's a lovely day ». Je vous conseille ce concert Irving Berlin à l'Auguste Théâtre. Ça sera le 15 et le 20 mars et comme toujours, plus d'informations sur francemusique.fr. J'ai une petite pépite pour vous pour terminer cette émission. Je vous disais que Cole Porter avait écrit 12 chansons pour Les Girls, le film de George Cukor. Cukor en a conservé que 5. En voici une autre qui a été supprimée, qui est enregistrée par Wilfred van den Brande, une chanson qui s'intitulait You're the Prize Guy of Guys. I've been doing a lot of scheming since that moment we met. 'Cause you're the prize guy of guys, baby, that I's got to get. With such passionate love I'm teeming, my blood count is upset. 'Cause you're the prize guy of guys, baby, that I's got to get. Please won't pretty papa propose to his mama? Better do it or heaven knows she'll go gaga. It's no wonder I wake up dreaming, dreaming of you, my pet. 'Cause you're the prize guy of guys, baby, that I've got to get. I don't mind if for me you're scheming since that moment we met. 'cause I'm the prize guy of guys, baby bad eyes, hard to get. When you say that with love you're teeming, I'm not over upset. 'Cause I'm the prize guy of guys, baby bad eyes, hard to get. Though I'm daffy for demoiselles with politics, when they talk about wedding bells, I cry, nix, nix. It's no wonder you wake up screaming, dreaming of me, my pet. 'Cause I'm the prize guy of guys, baby bad eyes, hard to get. Yes, yes, like any top card, eyes hard to get. Il s'appelle Wilfried van den Brande et en fait il a enregistré dans un coffret qui s'intitule Let's Mates Behave, les Cole Porter Sessions, énormément de chansons de Cole Porter, dont des chansons jamais enregistrées. Je vous conseille ce coffret. Sur francemusique.fr, vous retrouverez bien sûr la page de l'émission. Vous pourrez nous réécouter, nous podcaster et regarder les concerts en ligne, puisque francemusique.fr, c'est le son, mais c'est aussi l'image. Vous pouvez également commenter, nous envoyer vos envies, vos suggestions sur la page Facebook de 42e rue ou sur Twitter avec le hashtag 42 rue. Le prochain cabaret, 42e rue, il se déroulera, c'est pas une blague, le 1er avril, avec deux troupes de spectacles musicaux, Airspray, sous la direction musicale de Raphaël Sanchez, qui démarre mercredi aux Folies Bergères, et puis le sulfureux Opéra Porno de Pierre Guillois et Nicolas Duclou. Vous pourrez réserver vos places sur maisondelaradio.fr à partir de demain. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Moni. À la technique ce matin, Alexandre Briard, et à la réalisation, Perrine Minguir. À réécouter sur francemusique.fr.